Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo 107FM, vous nous écoutez aussi sur www.radioguémozo.eu. Et aujourd'hui avec nous dans notre émission, nous recevons trois invités. Je vais commencer par les dames, hein, c'est les dames d'abord ici. Marie-Lise, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Ça va très bien, merci. S'ensuit eh bien Dany, que l'on connaît. Hein. Bien sûr. Voilà, bonjour. Et Laurent? Bonjour. Comment ça va tous les trois? Ça va très bien. Eh bien, c'est super. Alors aujourd'hui, vous êtes venus nous parler eh bien, d'un événement qui aura lieu bientôt. Alors vous représentez l'association Accor Agri, c'est ça? Oui. C'est une toute jeune association? Toute jeune association, oui. Alors elle est née quand, cette association? Elle est née au mois de septembre l'année dernière. D'accord. Et on a décidé de faire une association pour promouvoir l'accordéon et l'agriculture avec Dany et Laurent. Et ben voilà, super. Alors pourquoi vous avez eu envie de la créer, cette association? Moi je dirais que c'est moi qui ai eu un peu l'idée. L'année passée, on a eu, il y avait l'anniversaire de Laurent qui a fait ça dans sa ferme, tout simplement. Et puis il y avait, je sais pas, une cinquantaine, soixantaine de personnes. Puis je dis, ben l'année prochaine, après les gens du village, ils l'ont su, ils auraient bien voulu venir. Alors cette année, ben on le fait pour tout le monde, quoi. Si on peut avoir 200-300 personnes, ça serait super. Ah oui, d'accord. Ouais, ça sera. Mais ça sera dans les mêmes conditions, soit un chapiteau au milieu des vaches et puis des lapins et puis des cochons. Voilà, c'est vraiment la vraie ambiance, quoi. C'est hein? Ça, tout à fait. C'est ça. Alors, vous avez l'habitude un petit peu de créer des événements, quand même De plus en plus. Et puis, c'est dans une salle des fêtes, c'est bien, mais c'est toujours un peu pareil. Alors, puis aussi le métier d'agriculteur, puisque Laurent et puis moi-même, on est agriculteur. D'accord. Et les gens, des fois, ils osent pas venir frapper à notre porte ou nous poser des questions. Et là, justement, c'est la bonne occasion. On répondra à toutes les questions dans la mesure du possible. Et puis allier l'accordéon pour que les gens viennent faire la fête. Je pense que les gens ont besoin de ça. Ah bah oui, ça c'est vrai. Ça c'est une très bonne idée. Alors quel est votre rôle un petit peu dans l'association? Chacun a sa petite part? Ah là, c'est la chef. Je suis trésorière, moi. Ah bon, oui. C'est vous la chef. Donc. Salut chef. C'est moi le président, mais voilà. Je m'occupe de tout ce qui est gros. Voilà. Quoi. Exactement, la logistique, tout à fait. D'accord. Donc cet événement, il se nomme Festiferm. Oui. Il aura lieu le samedi 3 août 2019 à partir de 11h30. C'est ça. À Domartin, les Remiremont. Alors où ça, à Domartin, du coup? Eh ben, à notre domicile, à moi et Laurent. C'est Laurent est agriculteur, donc on fait ça à la ferme chez nous. Ouais, au moins la rue. Ouais, 919 rue d'Eti, à Domartin-les-Remiremont. Ah ben dis donc, j'espère que vous avez de la place. On espère surtout qu'il y ait le beau temps. Ah ben oui, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qui va se passer un petit peu durant cette journée? Eh ben, on a mis en place plusieurs animations. Bah, bien sûr, on fait un repas en plein air dansant avec Dany, différents accordéonistes. On aura Florine Malherbe, une adolescente, deux jeunes enfants, Maureen Nio et Cheyenne. Je ne sais plus quel âge ils ont, Dany. Ils ont 9 ans. Ils viennent du Doubs. Florine vient du nord de la France. Voilà, c'est ça. On aura Jean-Claude Risser, qui est des Vosges. Coralie Husson. Qui vient de la Haute-Marne. Merci. Et Eliane Poutini du Jura. Voilà, du Jura. Voilà. Mais c'est super. Ouais, oui, on a comme ça fait venir des gens un petit peu de tout partout, quoi. Bah oui. Voilà. Alors l'initiative vraiment en première, c'était de faire connaître l'agriculture, pas vraiment. C'était quoi vraiment? Si, quand même. Voilà, si. Réunir autour de. Personnellement, moi j'y tiens. Ouais. Parce que on a souvent, quand on écoute les médias, les agriculteurs, mais bah, justement, venez discuter avec des agriculteurs. Pourquoi alors? Bah parce qu'on a souvent une image de l'agriculteur pollueur et tout ça. Ah et bon? Il y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que ça. On aime notre métier, on aime nos animaux et on aime sans compter parce que vu les heures qu'on passe à travailler dans nos fermes, voilà. Bah oui, c'est sûr. Alors, quel genre d'agriculture vous proposez, si je peux me permettre cette question? C'est quoi que vous faites dans votre ferme? Ah bah, moi, j'ai des vaches laitières, puis quelques bêtes de viande. Et puis, bon, on fait beaucoup du fourrage, on ne fait pas de céréales. D'accord, ok. Ouais. Ok. Et est-ce que d'autres amis agriculteurs seront conviés lors de cette journée? Est-ce que c'est important de se retrouver tous ensemble? Bien sûr, ils sont invités. Et puis aussi d'autres exposants, Marie-Lise. Oui, exactement. Alors, dites-nous. On aura d'autres choses à proposer. Il y aura des exposants pour un petit marché fermier. D'accord. On aura justement un agriculteur qui va se déplacer avec ses moutons pour nous montrer comment on tond les moutons. Ah, oh, c'est génial, voilà. Ça. On aura une exposition de matériel agricole, une promenade à poney pour les enfants, des animaux pour créer une mini-ferme. Et puis des jeux pour les enfants aussi, c'est important. Ouais, ça sera familial, quoi. Bah oui. Et depuis quand ça s'organise, tout ça? Un an. Ah bah oui. au moins un an. Ouais. Et vous êtes combien de membres dans l'association pour organiser cette journée? Eh ben, on est 3 membres dans l'association, mais beaucoup de bénévoles. D'accord, ok. Voilà. Les bénévoles, c'est quoi? Les amis? C'est ça. Les amis, les voisins. Tout à fait. Alors, est-ce que, Dany, vous êtes prêt à nous jouer un petit morceau? Parce que bien je sûr. Rappelle que vous êtes venu avec votre accordéon. Avec plaisir. Vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, alors on écoute ça. Et moi, je suis un bon agriculteur. Je suis heureux, tout seul sur mon tracteur. Et moi, je suis un bon petit paysan. Je suis heureux et je passe du bon temps. Il y a des gens qui sont pleins d'illusions, qui voudraient bien être président de la République, ou bien ministre, ou bien le grand patron. Mais moi, je n'ai qu'une ambition. Pour labourer, je me lèverai tôt le matin. Pendant des heures, je traînerai ma charrue. Et tout au long du chemin, j'aurai toujours, toujours le manche en main. Et moi, je suis un bon agriculteur. Je suis heureux, tout seul sur mon tracteur. Moi, je suis un bon petit paysan. Je suis heureux et je passe du bon temps. Voilà. Ah bah voilà, merci beaucoup. C'est moi. Alors, ça fait un moment quand même que vous jouez de l'accordéon, il me semble. Depuis l'âge de 5 ans, et puis de génération en génération chez nous, on est 17 de la même famille à jouer de l'accordéon. Ah, voilà, vache. Donc, il y aura d'autres accordéonistes. Ouais. Est-ce que vous avez pensé à faire essayer l'accordéon aux gens qui vont venir? Ah, ben non, eh ben non. Eh ben, Lia, t'as une très bonne idée. Pourquoi pas? Ben, apprentissage d'accordéon. Allez, hop. Pourquoi pas? Alors, durant cette journée, eh ben, faut pas oublier qu'on pourra manger, j'imagine. Mm-hmm. Tout à fait. Ah, je pense que c'est un point quand même assez important pour, voilà, des gens qui travaillent la terre. On a envie de bien manger. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va manger? Et est-ce qu'on doit réserver? Comment ça se passe pour ce repas? Alors, oui, faut réserver. Déjà, il y a plusieurs formules. On a une formule le midi. C'est un repas à 20 euros. On a le soir aussi, 20 euros également, mais on a possibilité de prendre les deux repas qui seront à 35 euros. D'accord. Et bien entendu, un repas enfant à 8 euros. Donc, pour réserver, vous pouvez appeler le 07 72 38 31 95. Ben voilà, c'est parfait. Ouais, puis si les gens ne retiennent pas le numéro, ben, ils vont t'appeler toi, Lia. Ben hein, voilà, tu vas prendre les réservations, on va te donner un petit... Ben, tu sais quoi, on t'offre un repas. Si jamais tu veux venir, on t'offre un repas. Oh, ben ça, c'est gentil. Merci beaucoup, c'est gentil. Ainsi qu'à ton collègue, bien sûr. Ah ben voilà, Chris est embarqué. Alors, de toute façon, on remettra toutes les informations utiles en lien avec le podcast eh bien, de cette interview d'aujourd'hui. Alors là, il y a un repas le midi et le soir. Ça veut dire que voilà, vraiment, ça va durer toute la journée. Ça se passe à partir de 11h30 jusqu'à quelle heure alors? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Hein. Une fois qu'on est parti. Non, mais aujourd'hui, je dirais que la, un peu entre guillemets, la seule liberté qu'on a dans ce pays, c'est pouvoir bien manger, faire la fête et puis boire un coup. Alors, nous ne nous en privons pas. Bah ça, c'est tellement bien dit, je ne rajouterai rien. Qui prépare le repas? Qu'est-ce qu'on va y trouver dans ce repas? Alors, si le repas sera préparé par un traiteur de Remiremont, qui, on peut dire le nom, oui. Bien sûr. Donc, c'est l'ours, l'ours brun, c'est ça d'abord? Blanc. Ouais, tu m'as l'ours perturbé, blanc. Toi. Pardon, l'ours blanc. Mais ouais, parce que bon, faire pour 200 personnes midi et 200 personnes le soir, c'est admettons, c'était trop contraignant. Ouais, voilà. Ouais. Et eux, ils savent faire ça. Il y aurait de la chaleur, il faut que les produits soient bien frais. Voilà. Sinon, on aurait pu éplucher des patates aussi. Mais bon, on peut s'y mettre dès aujourd'hui. Ah bah oui, j'imagine. Voilà. Alors, je vois qu'il y a une exposition de matériel agricole. Mmh. Ça, oui. C'est génial, ça. Donc, du coup, là, on familiarise vraiment les gens avec le métier de l'agriculture. Mmh. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va y trouver dans cette expo? Qui va exposer déjà? C'est vous? Il y aura des tronçonneuses, il y aura des tracteurs, il y aura un peu de tout, quoi. Mm-hmm. Tout ce qui concerne l'agriculture. Il y aura aussi son matériel, hein, parce que il est sur place, il va le laver, le faire briller, les gens vont être contents. Mais en parlant de matériel, je réserve une petite surprise, que je ne dis pas tout de suite, mais... Mais il y a Sanabor Agricole aussi. Ah oui, il y a Sanabor Agricole qui va exposer du tracteur neuf. Oui. Ah, c'est bien ça. Ouais. Ouais. Et du coup, là, on familiarise vraiment le public avec l'agriculture ou on se fait plaisir en tant que professionnel quand on expose comme ça? Voilà, exactement. Ben oui, parce que comme ça, ils montrent le matériel, l'évolution du matériel. Et puis, j'ai envie de dire, il y a peut-être des gens, ils ne sont jamais montés dans un tracteur. Lia, est-ce que tu es déjà monté dans un tracteur? Ah non. Non, eh bien justement, viens, ouais, on va t'offrir... Un tour au tracteur. Ouais, parce que les filles, elles sont intéressées par les grosses voitures, tout ça. Mais si elles savaient le prix d'un tracteur, ben, je pense qu'elles s'intéresseraient plus à des agriculteurs. Non, je plaisante. Non, pas trop aux grosses voitures. Alors, les jeux enfants, on a vu un petit peu tout à l'heure. Hein, on vient avec papy, mamie, les enfants, les parents. Hein, c'est intergénérationnel. C'est ça. Pour les petits et les grands. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut faire des jeux... ensemble, je veux dire, des jeux vraiment de famille. Alors, on a prévu plutôt des jeux pour les enfants, genre pêche, du chamboultou, course en sac ou voilà, quelques petites animations comme ça. Après, en famille aussi, Dany nous propose souvent aussi un jeu, il joue de la musique, on doit reconnaître les titres. Ah oui, c'est génial ça, ou la chaise musicale. Voilà, c'est voilà, ça. Tout simplement. Voilà. Ouais, c'est bien parce que c'est vraiment des jeux qu'on retrouvait un peu avant, qu'on soit submergé avec ces tonnes d'écrans qui nous polluent. Voilà. Donc le retour à la nature, des jeux simples, voilà. Bah, c'est super. C'est super. Est-ce que, Dany, vous jouez sur une scène ou alors vous vous rapprochez bien du public pour que... Ah ben, on va jouer sur une voiture à pneus, là, tu sais, le truc, le char, là, pour aller chercher les bottes de foin dans les champs. Hein. Oh, ouais. Non, ça va aller. Ouais, mais il faut que je sois un peu élevé parce que s'il y a beaucoup de monde, ils ne vont pas me voir, les gens. Hein. D'accord. Bah oui, j'imagine. Oui, est-ce qu'il y a des heures précises pour jouer ou alors est-ce que ça va se faire au fur et à mesure de la journée? Ça va jouer toute la journée, je pense. Ouais, d'ailleurs, de toute façon, les gens, ils peuvent venir. Bon, c'est vrai que c'est préférable qu'ils réservent pour les repas. Mais après, ils peuvent venir à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et oui, du coup, on peut, voilà, on n'est pas obligé de venir dès 11h30. En plus, on précise quand même que l'entrée est libre. Hein, ça, c'est très important. Mmh. Du coup, on peut venir faire un petit coucou. Tout à fait. Et puis se laisser sûrement prendre au jeu. Alors, il y a une autre association, les Amis de la Ferme Auberge, chez ton association. Ça, c'était la mienne. Qui se lie à tout on ça. On est partenaire, voilà. Voilà. Tout à fait. Et comment ça se passe un peu, ce partenariat? Comment vous vous organisez? Moi, je m'occupe de la musique et puis les autres, ils s'occupent du reste. Tout simplement. Ok. En parlant de musique, est-ce que tu veux nous jouer encore un morceau? Ah oui, j'ai encore joué un morceau, Un morceau qui me tient à cœur. Allez. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle, cette corée charnelle? Oublier ce matin que tu es parisien, me tendant la paix. Acceptez ma rengaine, elle voulait dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la coraison cathéter d'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Allez, Lia, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Merci beaucoup, Dani. Alors, pour le plaisir des oreilles, tu seras là donc pour jouer tout ainsi que tes amis musiciens. Voilà. Comment tu les as contactés ? C'est des amis, donc du coup ? Ben voilà, c'est des amis, puis c'est des amis qui n'ont pas l'habitude non plus de jouer dans une ferme, alors voilà. Ça change les conditions de... Ah oui, oui, carrément, carrément. Qu'est-ce qui change du coup, c'est l'acoustique ? Ben s'il pleut, il faut mettre des bottes. Mais il ne va pas pleuvoir, hein, parce que là, on a commandé le soleil, donc c'est obligé qu'il y ait du soleil. Est-ce que justement, au cas où si les auditeurs se posent la question, est-ce que s'il pleut, c'est couvert ? Bien sûr, il y a un chapiteau, bien sûr. Ah, vous avez tout prévu, quoi. Tout est prévu. Mais il va faire beau, donc restons sur le soleil. Il fera beau. Alors, pour les yeux, il y aura aussi un plaisir garanti. C'est la présence de certaines miss, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, on aura Miss Picosé, hein, qui est la miss de Don Martin Les Remiremont. Ah oui ? Voilà. Et Pauline Ballant, qui est Miss Mademoiselle de Lorraine. Qui est très charmante et qui nous réserve quelques petites surprises aussi cette journée. Ah bah dis donc, c'est une journée pleine de surprises en fait. Voilà, et d'autres que je ne veux pas divulguer parce qu'il faut en laisser. Et bah voilà, vous saurez le reste le 3 août pendant cette belle journée. Alors on a parlé un petit peu des repas et de comment ça allait se dérouler. Est-ce que vous proposez quand même quelque chose qui sort de chez vous, je ne sais pas, une boisson, directement de chez nous, mais de chez des amis agriculteurs à Laurent et Marie-Lise, hein, y a quelqu'un qui amène des fromages. Le fromage, oui, du Master Fermier de la ferme Louis. D'accord. Frédéric Louis. Ok. Voilà. Et est-ce qu'on pourra boire un peu ? Tout à fait. Il y aura une buvette avec de la boisson à volonté. Non, mais de toute façon, comme il va faire chaud, automatiquement, ouais, voilà. Bah oui, tout à fait. Pour la tonte des moutons, parce que ça m'intrigue. On a tous envie de voir ça, d'ailleurs. Est-ce que les gens pourront participer ou est-ce qu'on regarde parce qu'il y a une manière de faire un peu particulière et on peut pas vraiment improviser ça ? Alors là, on peut pas le dire parce qu'on connaît pas la personne qui le fait, mais pourquoi pas essayer, hein, celui, si on n'a pas peur, pourquoi pas ? T'aurais peur d'un mouton ? T'es bonne question. C'est ça la question. En fait, c'est ça. Alors, si t'as pas peur, t'essaieras. Si t'as peur, non, mais voilà. Mais après, il y a une certaine technique pour la contention de l'animal et puis pas le blesser. On a un respect avec. On a un respect total avec les animaux, c'est important. Combien de personnes seront là pour exposer, pour divertir à peu près ? Au niveau du marché fermé. Ouais, un petit peu tout ça. Voilà. On n'en compte pas au complet. On n'en compte pas au complet, tout à fait. Mais je sais déjà qu'on aura un exposant de miel. Qu'est-ce qu'on avait de... Miel, fromage, saucisson. Fromage, saucisson, motoculture. Enfin, j'en oublie parce que je n'ai pas pris la liste. Mais il y a différentes choses. Quoi. Ouais. Par exemple, s'il y a des gens qui seraient intéressés, pourquoi pas contacter et puis nous... Ouais, on est ouvert ouvert à toutes les idées, hein, oui, bien sûr. Alors, même s'il y a des accordéonistes qui veulent venir jouer avec nous, avec plaisir. Hein. Alors, appel aux exposants et aux musiciens. Pourquoi pas ? Tout à fait. Pourquoi pas, ouais. Est-ce que les exposants qui sont déjà présents là, sur cette journée viennent d'ici ? Sont des Vosges ? Ou est-ce que ça vient un peu partout ? Non, ils sont des Vosges. C'est beaucoup de local, quand même. Oui, principalement localement. Oui. Ça, c'est bien. Il y a beaucoup de fermes, d'agriculture ici, dans les Vosges ? Bah oui. Bonne question. Oui, si, il y a encore bien d'agriculteurs dans les Vosges. Il y en a encore beaucoup. Il y a de plus en plus de grosses fermes, mais il y en a encore. Alors, c'est quoi la différence justement entre les grosses fermes et une agriculture un peu traditionnelle ? On n'a pas le même matériel. Ouais. On n'a pas le même rendement. Le même rendement non plus. Après, je ne suis pas sûr que personnellement les grosses fermes vivent mieux que nous. Parce qu'il y en a, plus ils ont du boulot, plus... Voilà, il y en a qui vont le dimanche matin, il y en a qui vont à la messe, il y en a, ils n'ont pas le temps d'aller à la messe. C'est un exemple, hein, je plaisante, mais voilà. Mais on a le temps quand même de se divertir pendant la journée du 3 août. On va prendre un petit temps pour se faire... Bah oui, j'imagine que voilà, ça doit être un rythme assez soutenu. Vous en savez tous quelque chose. Il y a des valeurs vraiment qu'on prône quand on est agriculteur pour faire une bonne agriculture. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on s'appuie. Moi, je pense que le premier, c'est le respect de l'animal. Si on n'aimait pas nos vaches, je pense qu'on ne le ferait pas longtemps. Puis en plus, Laurent, c'est génération en génération, un peu comme chez nous. Je pense que ça, c'est important aussi. Ah oui, c'est très important. C'est important. Puis utiliser les mêmes conditions que le faisaient les grands-parents. voilà, pas trop se diversifier. Oui, ça c'est important de faire vraiment, voilà, de se spécifier dans quelque chose et pas vouloir faire plein de choses en même temps. Autrement, ça donne pas de la bonne qualité, j'imagine. On peut pas tout faire, on peut pas tout faire. Et puis ce que faisaient les anciens, moi j'ai eu beaucoup de respect pour mon grand-père qui est décédé, mais ce qu'ont fait les anciens, ils avaient pas tout tort. C'est-à-dire, dis-nous en plus. C'est-à-dire, un exemple, par exemple, mon grand-père, il a beaucoup travaillé avec la lune. La lune, Par rapport à la lune, par exemple, même pour aller chez le coiffeur, on devrait suivre la lune. Oui. Parce qu'il y a des périodes où c'est que tu peux aller chez le coiffeur, mais 15 jours après, ils vont repousser très vite. Quoi. Oui. On a un peu abandonné ces règles. Oui. Et ils n'avaient pas tort, quoi, tout simplement. Là, j'ai deux vaches qui vont faire des veaux. Et là, ça va être le changement de lune. Et les veaux, ils vont bientôt naître. Oh, et puis ça, on n'y peut rien. C'est la nature et c'est comme ça. On est sûr, Senza, c'est limite une science. Ah, c'est par rapport à la lune, 3 jours avant, 3 jours après. Et en général, ça se passe comme ça. Et chez les êtres humains aussi. C'est vrai. C'est vrai. Et justement, est-ce qu'on aura peut-être la chance de voir des petits bébés ? Des explications ? Oui, et des explications, ouais. Ça c'est sûr, parce que ça, c'est important de connaître vraiment mieux ce métier d'agriculteur on connaît pas assez. Je suppose qu'il y a beaucoup de préjugés, comme tu le disais un petit peu au début, mais l'agriculture avant tout, c'est déjà l'amour de sa terre et de ses animaux. Bien sûr. Donc du coup, là, vous allez partager vraiment. C'est un peu le but. C'est pas que venir faire la bringue, hein. c'est aussi culturel. C'est allier l'utile et l'agréable. C'est ça. Non, et puis pour un coup, on ouvre la porte de la ferme de Laurent et Marie-Lise. N'hésitez pas à venir. Et puis voilà, quoi. Est-ce qu'on verra des bébés ? On espère qu'il y aura des vaches qui vont faire des veaux. Qui est des naissances, c'est ça. Faut voir le changement de lune, on va regarder la lune. Laurent, vous attendez des bébés ? Enfin, si je puis dire. Pour moi. peut-être, il faut que je regarde. De toute façon, il y aura une mini-ferme qui est prévue. Donc, il y aura des bestioles d'eau, de toute façon. Lapins. Lapins, poules. Un veau, on va trouver un veau. Vous venez où aujourd'hui là ? Ah ben il en a. Ouais. Bon. Ils viendront d'où les autres animaux ? C'est des animaux que vous avez déjà à la maison ? Les lapins, les... Ah ben oui, les animaux du voisin par exemple. Ouais, c'est bien, tout le monde s'y met, tout le monde participe. C'est ça, c'est ça. Ramène ton lapin, je te donnerai un pot de miel. Alors, combien de personnes pourront être accueillies au sein de cette journée ? Oula. On va dire qu'on a la capacité de recevoir 200 personnes à midi, 200 personnes le soir. C'est ça. D'accord. En tout cas pour les repas. Ouais. Plus le public. Les plus les gens qui veulent venir se balader, tout simplement. D'accord, ok. Ça va faire beaucoup de monde. Vous êtes C'est pour ça qu'il nous faut quand même que les gens réservent pour savoir où, nos prévisions. Quoi, toi, tu as un peu l'habitude au sein de ta ferme auberge. C'est ça. On précise quand même que tu as une ferme auberge et tu peux... J'avais. Ah oui. Alors, c'est pour ça que je fais ça en attendant. J'espère bien. Ouais, elle avait brûlé il y a 2 ans. C'est vrai. C'est pour ça que je fais ça en attendant. Puis ouais, je trouve que l'agriculture et puis la restauration, l'accordéon, c'est... Ça te manquait, du coup, tu as eu envie de créer une journée comme ça. Tout à fait. Puis changer de département aussi. Je viens de plus en plus dans les Vosges et puis les gens sont sympas. Enfin, tout partout, il y a des gens sympas, mais moi, je suis bien reçu, alors ça me plaît. Ah ben, les Vosgiens sont parfaits, voyons, bien c'est sûr. Est-ce que peut-être, du coup, tu vas t'installer là ? Ah ben, il faut que je trouve une Vosgienne. C'est en reconstruction ta ferme auberge ou C'est toujours. On a surtout beaucoup de démarches administratives. J'espère bien que c'est un peu long. Oui, oui. Bon. Ça me permet de faire beaucoup de choses. Là. Dernièrement, je suis allé jouer au Mans. Je suis allé jouer au Canada. C'est tous des trucs que j'aurais pas pu faire avant. Quoi. Parce que tu as fait des championnats d'accordéon. Voilà, exactement. J'ai pu participer au championnat du monde. Du monde en novembre cette année, enfin l'année passée. Et puis, puis j'ai été champion du monde. Waouh! C'était pas tellement ça. L'idée, c'était que moi, je connais pas la musique. Et puis, tout le monde a sa chance. Quoi. Donc, je suis allé, il y avait des gens qui jouaient certainement mieux que moi. Mais moi, quand je joue, c'est avec le cœur et ça a fait la différence. Ah ça, c'est un très beau message. Comme quoi, c'est pas parce que vous avez pas forcément appris quelque chose que vous avez très envie de faire que vous n'y arriverez pas. Mm-hmm. Mais ça, c'est vraiment super comme message. Est-ce qu'il y en a quelque chose qu'on veut absolument encore dire à nos auditeurs concernant cette superbe journée qui vous attend pour la première édition de Festiferme? Déjà, est-ce qu'il y en aura peut-être une deuxième? Ça dépend peut-être de la première. Pourquoi pas? Puis l'année prochaine, on fera au moins sur 2 jours. Hein. Quitte à faire... C'est souvent ce qu'on dit. Ça, en c'est plus. Monté, hein. C'est monté. C'est non, mais on invite surtout, voilà, faut que les gens viennent, quoi. Voilà, c'est la première fois. Moi, je tenais la ferme de Laurent et Marlise, c'est pas une ferme, comment je dirais, au top de l'agriculture d'aujourd'hui, mais justement, pourquoi pas, il y a des fermes qui sont hyper modernes et il y a des fermes comme ça. Tout le monde a le droit d'exister, tu vois, on rejoint un petit peu ce qu'on avait dit tout à l'heure. Et puis, eux, ils sont sympas, ils vont répondre aux questions et puis voilà. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est que du coup, là, on est vraiment peut-être un peu plus dans l'agriculture traditionnelle plutôt que l'agriculture moderne. J'imagine quand même qu'il y a une grosse différence. C'est ça, oui. Bah, Laurent est déjà agriculteur, il est tout seul sur la ferme. Donc, ça change des gros gaecs qui sont à 3, voire 4, ou voilà, quoi. Donc, c'est pas tout à fait la même gérance. Hein, donc, Oui, mais comment ça se gère du coup quand on est tout seul? Ça doit être une organisation. Mais on fait tout seul. Après, il dit ça, mais heureusement qu'il y a la Marie-Lise pour s'occuper des papiers. Hein. Ah, bah oui. Ah, oui, parce que moi, là. Ah, tu vois. Moi, l'ordinateur, c'est pas mon truc. Voilà. Non, mais. Qu'est-ce qu'on fait quand on est agriculteur et voilà, dès qu'on a le pied debout, c'est quoi la première chose qu'on fait? Dès qu'on a le pied debout. Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais? Ah, je vois mes bêtes. Voilà. Si ça va bien. Voilà. Voir s'il n'y a pas de dégâts, ça, si tout le monde va bien. Voilà. Et puis voilà quoi. Et vous vous levez à quelle heure? Bon, 6h30. Ah ouais, quand même. C'est déjà pas mal. En tout cas, voilà. 6h30 la semaine. 7h30 le week-end. Ah bah voilà, faut se faire un peu. Quand même, on fait une grasse mat les week-ends. Une petite. Petite. Voilà. Et du coup, pas de vacances pour les agriculteurs? Non. Bah, non, non. Pour nous, non. Ah, parce qu'en fait, ils traillent leurs vaches. Ouais. Donc, bah, oui. C'est quand même 365 c'est... jours sur 365. Mmh. Bon, par contre, on essaye de se faire des bons week-ends quand même. Eh bah, voilà. Faire des grandes sorties. Va des bons week-ends, quoi. Eh bah, en tout cas, ce sera un super bon week-end, ce week-end du samedi 3 août, qui arrive à toute vitesse parce qu'on est déjà en juin. Et voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas, si vous voulez manger sur place, à nous contacter ou au 07 72 38 31 95. De toute façon, on remettra toutes ces informations avec le lien de cette interview d'aujourd'hui. L'entrée est libre, ça se passe à partir de 11h30, mais vous pouvez venir tout au long de la journée, vous serez très très bien accueilli, je pense. Tout à fait. On a tout dit sur cette journée? Il me semble, oui. Dani, tu vois autre chose? Ouais, tout a dit. Eh ben, en tout cas, je vous remercie tous les trois d'être venus aujourd'hui pour nous parler de tout ça. Est-ce que Dani, tu as envie de clôturer cette émission avec un autre morceau? Ah oui, bien sûr, le dernier. Allez. Merci beaucoup.